La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Depuis toujours, la science a nourri le cinéma et on ne compte plus le nombre de films dont le contenu s'est largement inspiré de la science ou de la figure du chercheur, la science-fiction étant évidemment le genre à part entière qui mêle la réalité scientifique à l'imagination. La science-fiction s'inspire de la science, mais elle peut aussi permettre de réfléchir à des questions scientifiques. Et c'est ce qu'ont fait l'astrophysicien Roland Lehoucq et le paléontologue Jean-Sébastien Steyer qui publient ensemble un ouvrage, La science fait son cinéma, qui paraît aux éditions Le Bélial. Roland Lehoucq est mon invité dans un instant pour jeter des ponts entre les films et la science. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. À la une de la science aujourd'hui, une expérience grandeur nature sur l'appartement du futur. Oui Mathieu, c'est une expérience inédite qui vient de commencer à Montpellier, qui va durer toute l'année. Deux étudiantes sont logées dans un appartement rempli de capteurs en tout genre et d'objets hyper connectés sous l'œil bienveillant des scientifiques. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Roland Lehoucq. Bonjour. Bienvenue à vous avec cet ouvrage « La science fait son cinéma », une exploration scientifique finalement de la planète science-fiction. Et l'occasion d'un exercice intéressant, on peut se confronter justement à cet exercice, c'est-à-dire considérer un film finalement comme une sorte de documentaire factuel, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Essayer de se dire ce qu'on nous montre a une part de réalité et essayer de la comprendre à l'aune de ce que l'on sait des sciences d'ici et maintenant. Et puis aussi faire une chose qui est plus inhabituelle, c'est de vraiment mener une enquête scientifique sur ce film pour déterminer des informations qui n'y sont pas données explicitement. Ah oui, et alors vous adorez ça, vous, hein ? Ah, moi j'adore ça. Aller dans les détails. Exactement. Moi, j'adore frotter dans les détails. Et quand je regarde des films, des fois, pas la première fois, évidemment, mais ensuite, pas image par image, mais ça quand même, il y a des moments où on regarde un peu dans le détail, voir ce qu'on peut en sortir, ce qu'on peut sortir du film. Voilà, deux fous furieux, Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer pour un livre génial, La science fait son cinéma. On en parle, hein, puisque vous êtes l'invité, Roland Lehoucq, cet après-midi, de La tête au carré. C'est donc une expérience inédite qui a démarré à Montpellier. Deux étudiantes vont vivre pendant un an dans un appartement hyper connecté sous l'œil des scientifiques. 11 célibataires coupés du monde. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Bon, évidemment, nous, c'est de science dont on va parler et pas de télé-réalité, Caroline Tourbe, avec votre invitée. Oui, Mathieu, l'expérience qui a débuté à Montpellier porte le nom de HUT pour Human at Home Project. Et s'il est vrai que l'on peut a priori penser qu'il y a des points communs avec la fameuse émission du Loft, en réalité, on en est bien loin. Et pour bien comprendre les enjeux et l'intérêt de cette expérience inédite, nous sommes avec Malo Depincé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence, directeur du laboratoire dynamique du droit à l'Université de Montpellier et vous êtes le coordinateur de ce projet qui rassemble plus de 12 laboratoires de recherche. Vous pouvez nous décrire le dispositif de cette expérience, cet appartement bardé de capteurs à l'intérieur duquel vivent ces étudiantes ? Bien sûr, alors, je me permets juste de préciser que je suis directeur adjoint du laboratoire, parce que sinon mon directeur m'en voudrait. Pour le reste, vous avez introduit avec le loft, évidemment ça n'est pas ça, on n'a pas de caméra et on se moque de savoir quelle est la vie intime des occupantes. Il n'y a pas de piscine, notamment pour des questions de budget, et puis parce que a priori des étudiants qui ont une piscine c'est assez rare. Nous on s'intéresse au contraire aux usages qui seront développés, perçus dans un logement connecté demain. Donc on a un objet, c'est un appartement avec beaucoup de capteurs et on étudie le comportement des occupants dans ce logement. Ces capteurs, ils sont de plusieurs ordres. Vous avez des capteurs de mouvement, on a des capteurs qui permettent de définir les pressions au sol, les mouvements dans l'espace, les mouvements du squelette par exemple, les mouvements qui sont des ouvertures, des fermetures d'ouvrants, de portes, de fenêtres, de placards et autres. On a des capteurs qui apprécie le confort, par exemple sur la pollution, sur la qualité de l'air, le taux de radiation, la température, évidemment, les différences de température, et puis aussi des capteurs qui, de manière beaucoup plus classique, étudient la consommation de fluide, d'énergie, d'électricité, de débit Internet, etc. Parce que dans cette première phase de l'expérience, il n'y a pas encore les objets connectés. Vous imaginez pouvoir en mettre ensuite des objets connectés à la disposition des deux habitantes de cet appartement ? Bien sûr. Ça peut venir très rapidement. On aura des exemples d'objets connectés, mais que nous développons nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre dans cet appartement, pour l'aspect scientifique, des objets connectés qui sont développés par des grands groupes et qui feraient fuir les informations vers ces grands groupes. On aurait évidemment un problème de protection de l'intimité. Donc on développe ses propres objets connectés. Ça peut être par exemple des réfrigérateurs ou des placards connectés pour étudier la consommation ou étudier les consommations de musique ou autre, par exemple. Alors c'est un point important que vous avez soulevé, c'est sur l'intimité, le respect des données qui peuvent être collectées. Les deux étudiantes, elles ont été évidemment prévenues de l'expérience, elles sont d'accord pour y participer, elles peuvent même arrêter si elles veulent. Oui, tout à fait. Elles sont volontaires d'abord, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à candidature. Cet appel à candidature, il a fait l'objet d'une sélection. On a sélectionné ces candidates et puis ensuite, on a formé un lot, un panel de candidats potentiels qui se sont rencontrés pour former des binômes pour que, autant que possible, les personnes qui allaient intégrer l'appartement se sentent bien ensemble. Que ce soit une bonne colocation. Exactement. Elles y sont depuis le mois d'octobre. Depuis le 1er octobre. Ouais, et jusqu'à Jusqu'à la fin de leur année universitaire, ouais. Pour ne pas les perturber dans leur étude, et puis pour permettre d'évaluer leur occupation sur le long terme, étant entendu que si elles veulent abandonner le projet, elles abandonnent le projet. Et alors, à quoi va servir précisément cet appartement observatoire ? On comprend que vous allez collecter des données, que vous allez les étudier. Il y a des exemples de programmes de recherche qui peuvent être intéressants pour l'utilisateur, mais aussi pour les constructeurs ? Oui, tout à fait. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement les usages. C'est l'aspect sciences humaines et sociales, ce n'est pas l'aspect technologique. Il n'y a pas à proprement parler de choses révolutionnaires dans cet appartement. Il y a des technologies très avancées, mais ça n'a absolument rien de révolutionnaire. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est de voir quel est le comportement des occupants face à ces objets. Ça peut être de divers ordres. Ça peut être, par exemple, savoir si elles acceptent ces objets, si elles ont un comportement qui chercherait à biaiser pour que les données collectées ne soient pas tout à fait les mêmes, ce qui nous donnerait des éléments. On peut savoir aussi si elles saturent, s'il y a un trop-plein, si elles ne peuvent plus supporter. Pour nous, c'est une information importante. Et par exemple, on a mis en place un bouton d'arrêt, une sorte de bouton d'urgence, comme sur une chaîne industrielle, pour arrêter tout le système. Pour nous aussi, c'est une information, ça veut dire qu'elles n'en peuvent plus. Il va y avoir un miroir connecté qui va leur être mis à disposition. Avec ce miroir connecté, elles vont pouvoir interagir. Là, vous allez étudier notamment la parole, la façon dont on peut s'adresser à un objet, dont l'objet va s'adresser à vous, savoir qu'est-ce qui est le plus efficace, le moins efficace, qu'est-ce qui fait fuir, au fond, l'utilisateur. Effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut porter un message, quels sont les mots qui sont pertinents, et puis quel est le type de message. Est-ce qu'il faut aller dans l'injonction ? Est-ce qu'il faut aller dans le conseil ? Pour nous, c'est très important, notamment si on travaille sur des efforts de logement performant en termes énergétiques et que l'on veut induire de bons comportements. Si on reprend l'exemple des systèmes GPS, par exemple, qui sont très directifs, on a très vite envie de leur dire stop ou de répondre plus vulgairement. Il faut trouver la bonne formule. Mais elles ont le droit de sortir ou pas du tout ? Heureusement qu'elles ont le droit de sortir. D'accord. La règle est qu'elles habitent cet appartement comme tout autre appartement. D'abord, c'est nécessaire pour les protéger. Et puis, je dirais surtout, c'est nécessaire pour que nous ayons des données pertinentes. D'accord, parce que sinon, comme on a démarré avec le loft, j'avais un petit doute sur la question. Non, elles peuvent tout à fait sortir, heureusement. Il y a également des données, donc vous en avez parlé, autour de capteurs, de pollution de l'air, de dépenses énergétiques. Là aussi, vous allez voir si en donnant des conseils précis sur un comportement qui serait par exemple meilleur pour l'environnement, ça va être suivi ou pas. Ça, c'est déjà mis en place. Vous avez déjà commencé à mettre en place ce genre de données et ce genre de retour vers les étudiantes, vers les habitantes. Tout à fait. Alors pour l'instant, on est dans la phase captation de l'acquis, c'est-à-dire qu'on élabore un modèle sur cet appartement pour savoir quelle est sa performance énergétique, quelles sont les données sur la température, les déperditions, etc. Ce qui nous intéresse, c'est de prôner des comportements à ces occupantes, une fois qu'on a donné les données de base, pour voir si elles les respectent ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on a, en Europe notamment, construit ou élaboré des normes toujours plus contraignantes sur un plan technique pour avoir des matériaux très performants. Et on réalise qu'aujourd'hui, les gains d'efficacité sont minimes. Et en réalité, ce qui va changer la performance environnementale, c'est le comportement des occupants. Est-ce que vous ouvrez les fenêtres ? Est-ce que vous les fermez ? Est-ce que vous chauffez trop ? Etc. C'est là qu'on peut avoir des gains en termes d'énergie. Il y a également une phase qui sera donc dans le futur, pas forcément cette année, en 2019, mais l'année suivante, où on pourra même savoir quelles sont les utilisations des réseaux sociaux qu'ont les habitants de ces appartements? Est-ce qu'ils vont sur Twitter? Quels sont les mots qu'ils utilisent le plus souvent sur les réseaux sociaux? Cette phase-là, ça vous permettrait d'avoir quoi comme type d'information? Ça nous permettra aussi d'avoir plus exactement quelle est la perception par les utilisateurs de ces réseaux sociaux. Et notamment, est-ce qu'elles ont une bonne perception, ou est-ce qu'ils ont, s'ils sont d'autres occupants, hommes par exemple par la suite, une bonne perception des informations qu'ils donnent? Puisque le sentiment que l'on a, nous, aujourd'hui, c'est que personne n'est conscient des données qu'ils produisent sur les réseaux sociaux. Si on les met en face et si on leur dit « voici les données », est-ce que le comportement change? Merci beaucoup Malo de Pincé pour ces explications. Puis on attend le retour, évidemment, d'expérience avec les analyses des scientifiques et des données. Merci Caroline. Et dans un instant, science-fiction et cinéma avec Roland Lehoucq, notre invité. Battle with my instincts. Evolution giving me the skills that I don't need. And these pills that I think I need. Supérieur Emotion, c'était Aluna Georges. La tête au carré, Mathieu Vidard. Roland Lehoucq est avec nous cet après-midi dans La tête au carré à l'occasion de la sortie de ce livre que vous co-signez avec votre confrère paléontologue Jean-Sébastien Steyer, La science fait son cinéma aux éditions Le Bélial. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, professeur à l'école polytechnique et à Sciences Po et président du festival Les Utopiales qui se déroule chaque année à Nantes. Et d'abord, avant de parler de ce livre, Roland Lehoucq, j'aimerais vous demander à partir de quand la science-fiction est entrée vous dans votre vie. Est-ce que ça a d'abord été la science-fiction ou la science d'ailleurs? Alors ça a d'abord été la science. En fait, ouais. Moi j'en ai pas de souvenir, mais mes parents m'ont raconté que vers 6 ans, la profession que j'annonçais vouloir exercer plus tard était savant. Ouais. Et puis j'ai commencé à faire de l'astronomie d'amateur à peu près à l'âge de entre 8 et 9 ans, à m'intéresser au ciel et puis avoir une petite lunette toute simple offerte par mes parents. Et puis la science-fiction, ben, je suis tombé dans pas longtemps après, parce que mon père était aussi un gros lecteur de science-fiction. Il y avait une bibliothèque finalement assez intéressante, importante de science-fiction. Et quand j'ai commencé à lire ça, vers à peu près 13 ans, j'ai dit, ah ben c'est ça que je veux lire. C'est fini, le reste, c'est fini. C'est ça qui m'intéresse. En peu près en même temps, j'empruntais à la bibliothèque les bandes dessinées de Moebius, de Bilal, de Drouillet. Et voilà, c'était bon. Et qu'est-ce qui vous intéressait dans ces ouvrages de science-fiction? C'était justement la composante scientifique? C'était plus, comme beaucoup, c'est ce qu'on appelle sense of wonder, le merveilleux qui se dégage de ces œuvres et qui, en fait, était déjà fondateur. Moi, j'avais bien sûr lu, comme beaucoup de jeunes de mon époque, et même maintenant encore, les œuvres de Jules Verne. Et j'avais, par exemple, particulièrement apprécié L'île mystérieuse, les voyages lunaires, enfin, toutes ces œuvres qui sont ce que Maurice Renard appelait à désigner cette nouvelle littérature, finalement, de Wells, de Verne, de Poe, de Rognéné, cette nouvelle littérature mêlant science imaginaire, appelée littérature de merveilleux scientifique, qui est définie comme la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Mmh. Et donc moi, j'étais évidemment avec un esprit, semble-t-il, un peu scientifique déjà, mais aussi sensible à l'émerveillement qu'on pouvait se procurer par de la science, y compris une science traitée comme elle est traitée dans une œuvre de fiction. Donc ça avec veut liberté. Dire, avec liberté, exactement. Ouais. Mais il y avait cette chose très inspirante, très intéressante, très émerveillante, qui était propre au genre de la science-fiction. Alors là, justement, la science fait son cinéma, et la science dans le cinéma, en l'occurrence. Méliès, finalement, l'un des tout premiers films, c'était aussi autour de la science, que c'est la Lune, quoi. Alors c'est un film, c'est le premier film de science-fiction, c'est un des tout premiers films tout court. Et puis, il s'inspire évidemment très fortement dans son voyage vers la Lune, il s'inspire très fortement de Jules Verne, bien sûr, du voyage, avec un obus, un canon. Bon, et en même temps, alors c'est emprunt d'une technique triomphante, on imagine avec un canon, c'est pas comme ça qu'on irait, qu'on a été, et qu'on irait de retour sur la Lune, bien sûr. Il y a plein de bonnes raisons à ça, mais une technique triomphante qui permet d'atteindre les endroits les plus éloignés qu'on puisse imaginer, en tout cas la voir, la Lune, on la voit très clairement, on a envie d'y aller, elle est sous nos yeux. Et en même temps, c'est aussi une œuvre qui est très empreinte des idées de son temps, puisque finalement, les humains qui vont sur la Lune repartent avec un sélénite, le peuple de la Lune, un habitant lunaire, un sélénite, et après ils l'exhibent sur Terre, comme on exhibait à la même époque des habitants de pays colonisés, pour faire une sorte d'exposition ethnographique, entre guillemets, et qui était, était très empreint des codes racistes et des codes mentaux de l'époque. Donc la science qui fait son cinéma, ça a tout à fait un sens aussi du point de vue historique dans l'histoire même du cinéma. Puisque les éléments de science ont été utilisés très rapidement finalement pour émerveiller le spectateur au cinéma, émerveiller le lecteur quand il s'agissait d'écrits de science-fiction ou de ce merveilleux scientifique, très rapidement. Et donc du coup, la science-fiction qui est née aussi d'une volonté didactique, d'une certaine façon, puisque Jules Verne, par exemple, cherche à expliquer le fond des océans avec le Nautilus, il explique ce qui se passe au fond des océans. Et en même temps, il explique comment fonctionne ce sous-marin avec l'électricité et toute la technique qu'il y a dedans. Donc, il y a la technique triomphante, il y a aussi la découverte du monde et l'émerveillement sur des endroits inaccessibles, mais que la science de l'époque est capable de rendre accessible, et puis l'imagination qui va avec, qui rend les choses humaines, qui rend les choses vivantes, qui touche le lecteur. Donc, la science-fiction, elle s'appelle science-fiction finalement parce qu'il y a de la science dedans, même si bien sûr elle prend des libertés avec les éléments scientifiques. Et là, tout l'intérêt justement, c'est de pouvoir, avec la science-fiction, réfléchir à des questions de science, et ça c'est vous, ce qui vous intéresse tout particulièrement. Voilà, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, notre idée, c'est pas tant de dire « Ah, ce film est très bien parce que la science y est très bien traitée » ou « Celui-ci n'est pas bien ». C'est pas du tout jouer le rôle d'un censeur. On n'a pas du tout envie. Nous, on aime ces films, enfin... Certains sont bons ou mauvais, ils sont appréciables avec le degré de liberté pris par le cinéma, vous l'aimez aussi, exactement, justement. Exactement, ça ne nous gêne pas par défaut. C'est pas vraiment quelque chose qui nous gêne par défaut. Donc, ce qui nous paraît intéressant, c'est de se servir de ces œuvres de fiction. On prend du cinéma parce que ce sont des œuvres très connues du public. Oui. Il y aura des œuvres de littérature, de science-fiction bien plus intéressantes en général et aussi bien plus riches par beaucoup d'aspects qu'on pourrait utiliser, mais moins connues du grand public. Donc, on utilise ces œuvres comme prétexte pour parler de science. Et là, tout l'intérêt, c'est de parler de science à la fois des connaissances scientifiques, des faits scientifiques, mais aussi, on en discutera j'imagine dans la suite, de la façon dont ces faits ont été acquis. Et donc la façon dont on discute de ces œuvres, c'est une manière de reproduction, de mime de ce que font les scientifiques, là, pour étudier notre monde réel. Si on écoute par exemple Roland Le Houx, les sabres laser de Star Wars... Où se cache la science finalement là-dedans ? Alors, elle se cache dans « on aimerait en avoir un, finalement ». C'est un truc incroyable. Tout le monde voudrait avoir un truc pareil. Et on peut se demander, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible ? C'est la première chose. On a le droit de se poser la question. Après tout, sans être désagréable avec l'œuvre, on peut se poser la question. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça n'est pas possible. Ne serait-ce par exemple qu'une raison élémentaire, la lumière ça n'est pas matériel et deux lignes de lumière, de rayons lumineux se croisent sans se bloquer mutuellement. Maintenant, deuxième étape, on pourrait se dire d'accord, c'est pas possible avec de la lumière si c'est un sabre laser ou un sabre lumineux. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer un objet plausible qui rende compte, qui fasse comme un sabre laser, mais qui ne serait pas un sabre laser. Ouais. Par exemple, on pourrait dire, cet objet lumineux que l'on voit, ce n'est pas de la lumière, c'est de la matière. Du coup, cette matière, elle est lumineuse parce qu'elle est chaude. Donc, une matière chaude, ça s'appelle un plasma. On sait que les objets chauds rayonnent. Donc, très bien, on obtient de la matière lumineuse. Mais comment on la confine? Ça a l'air, c'est pas solide. Ça fondrait, ça devient gazeux. Alors, on peut imaginer de la matière ionisée, un plasma. On a séparé les électrons, extrait les électrons des atomes pour les rendre chargés électriquement, confinés dans un champ magnétique à la bonne forme. Et là, on se dit, tout va bien. Et pourquoi il se bloque? Ah, mais bien sûr, on sait que deux aimants de polarité identique se repoussent et quand des polarités opposées s'attirent. Donc, imaginons que tous les sabres laser aient la même polarité, que ce soit des plasmas, blablabla. Donc, vous tirez, tous les fils, finalement. La ficelle. Ça, c'est pour exercer son imagination. Ensuite, ça ne veut pas dire que le sabre laser devient, qui serait un sabre plasma, du coup, devient réalisable, comme un objet qu'on pourrait dire, ah oui, mais bien sûr, il n'y a plus qu'à le fabriquer. Ils sont pas été malins, on va le faire nous-mêmes. Non, parce que, autre question, très bien, alors ces sabres laser ou sabres plasma, ils font des tas de choses, notamment, on voit une scène où un Jedi enfonce son sabre laser dans une porte métallique énorme et en fait fondre une bonne partie, plusieurs tonnes de cette porte. Combien d'énergie ça coûte? Quelle puissance? Combien de watts un sabre laser? Et là, on peut faire aussi cette enquête et chiffrer combien de watts un sabre laser. Et bien sûr, si on écoute toute l'œuvre, tous les films, il n'y a pas à un moment donné un Jedi qui vous dit « Ah, je prends mon sabre laser de 300 mégawatts et je vais te tronçonner ». Donc il faut trouver l'information par un raisonnement. Et là, on aboutit encore à quelque chose d'extraordinairement élevé. Un sabre laser, quelque chose qui tient dans la main, le manche tient dans la main avec tout son système, eh bien ça produit autant qu'un cœur de centrale nucléaire, 1 milliard de watts. Ouais. Voilà, l'ordre de grandeur. Alors, après, on se dit, bon, très bien, c'est beaucoup, dans un petit machin. Oui, mais alors, peut-être qu'il y a des batteries spéciales. Non, on peut discuter. Il y a toute une discussion qu'on peut faire sur est-ce que c'est possible de stocker autant d'énergie et de faire sortir autant de puissance, le débit d'énergie, d'un si petit volume. Il y a des bonnes raisons pour dire que ça va pas être facile. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on peut comprendre ça? Alors, on comprend que le sabre laser, c'est pas une machine avec des batteries, genre des piles dedans, ou un truc qui stocke, mais le Jedi, il a accès à la Force, qui est un réservoir d'énergie, je vous rappelle. On nous dit, la Force, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, etc. Il a accès à ce champ, il l'injecte dans le sabre laser, on ne sait pas comment, ça c'est mystérieux, et ça fait le sabre laser. Et du coup, le sabre laser, c'est une machine qui transforme une forme d'énergie, bizarre et mystérieuse, la Force, en une autre, la lumière. Comme un vélo est une machine, pas du tout bizarre et mystérieuse, qui transforme une forme d'énergie, l'énergie musculaire humaine, en une autre, le mouvement du vélo et de son passager. Donc ça, c'est une vraie démonstration d'un exercice de pensée. Hein. Exactement. Donc là, on arrive à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'énergie, comment ça, que les machines transforment l'énergie et ne produisent pas d'énergie. On peut chiffrer la chose, on peut comparer avec des machines, on peut poser plein d'autres questions derrière sur la compréhension de cet objet imaginaire, mais qui, d'une certaine façon, mime les objets réels que sont les machines dont nous disposons. Alors, parmi les films récents qu'on a peut-être vus au cinéma, Seul sur Mars, hein, qui imagine justement l'arrivée de terriens sur Mars et la façon dont il faut se débrouiller pour précisément survivre et pourquoi pas fabriquer de l'eau, parce que c'est quand même la chose la plus importante, extrait justement du film qu'on commente juste après. Le problème, c'est l'eau. J'ai réussi à créer 126 mètres carrés de terre utilisable. Mais chaque mètre cube de terre nécessite 40 litres d'eau pour être cultivable. Il faut donc que je produise beaucoup plus d'eau. Ce qui est bien, c'est que je connais la recette. T'ajoutes de l'hydrogène à de l'oxygène et tu brûles. J'ai à ma disposition des centaines de litres d'hydrazine non utilisés dans le VDM. Si je passe l'hydrazine dans un catalyseur en iridium, elle se décomposera en N2 et H2. Et là, j'aurai plus qu'à diriger l'hydrogène vers une petite zone et à le brûler. Ce qui est rassurant, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'est jamais rien arrivé de bien terrible en voulant foutre le feu à de l'hydrogène. Ça, c'est fait. Ma petite installation a pété. À mon avis, J'ai pas pris en compte l'excédent d'oxygène que je libère en exhalant quand j'ai fait tous les calculs. Parce que je suis qu'un abruti. Seul sur Mars, Ridley Scott en 2015. Alors là, c'est bien parce que le réalisateur, justement, dans son scénario, il donne des éléments aussi de réflexion. D'abord parce qu'il s'entoure toujours, en général, de scientifiques pour préparer les scénarios. Alors, le film Seul sur Mars est aussi inspiré d'un roman américain qui s'appelle The Martian, qui a été fait par Andy Weir, W-E-I-R, et qui était, lui, un ingénieur et qui avait fait un roman très technique, avec beaucoup de détails. Donc, dans le scénario, je ne sais pas s'ils ont pris en plus un conseil scientifique, mais en tout cas, le roman de départ était rempli de beaucoup d'éléments utiles pour faire quelque chose de scientifiquement éduqué, disons, au cinéma. Là, l'extrait qu'on vient d'entendre, il est plutôt bien fait de ce point de vue-là. On pourrait imaginer d'autres choses. On pourrait, par exemple, imaginer ramasser de l'eau sur Mars. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars, mais on pourrait imaginer ramasser de l'eau sur Mars. Là, il essaie de la produire. Alors, c'est tout à fait marrant parce que il nous dit qu'il y a 127 mètres carrés de surface cultivable. Ouais. Il faut 40 litres par mètre cube. Entre les mètres carrés et les mètres cubes, ils montrent une épaisseur. On se dit, mais alors, quelle épaisseur de terre il a? Alors, on ne sait pas, mais si on prend 20, 30 centimètres, alors, ça nous dit, il nous dit juste, il faut beaucoup d'eau. Mais combien? Ça nous suffit pas. Nous physiciens, on veut un nombre. Il faut l'acheter. Il faut la fabriquer, cette eau. Et alors, si on fait 20, 30 centimètres, 126 mètres carrés, 40 litres par mètre cube, ça fait à peu près 1000 litres d'eau. Voilà ce qu'il doit produire. Ah, bon, d'accord, j'ai compris, 1000 litres. Sa réaction, hydrogène-oxygène. Parfait, c'est là une réaction qui marche tout à fait, de l'hydrogène et de l'oxygène, dit hydrogène, on devrait dire dit oxygène, pour faire de l'eau, ça marche tout à fait. Et il se dit, alors du dioxygène, j'en ai dans mon habitat. Petite question en bonus, bon, s'il consomme le dioxygène de son habitat pour en faire de l'eau, qu'est-ce qu'il va respirer? Faut être sûr qu'il en produit assez de ce dioxygène ou qu'il en a assez en réserve. D'hydrogène avec l'hydrazine. L'hydrazine, si on regarde attentivement le film, j'engage les auditeurs à le faire, sur le véhicule qui les envoie en orbite, ouais. Sur les gros réservoirs, il y a marqué. Non mais c'est dingue, c'est-à-dire que ça, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Moi je me suis arrêté, j'ai regardé si c'est bien de l'hydrazine qu'il y a dans les réservoirs. Ouais. Alors, de l'hydrazine, on peut dire, alors c'est quoi l'hydrazine? Est-ce que sur l'hydrazine, sur l'iridium, ça fait ce qu'il dit? Exactement. Et on a vraiment utilisé l'hydrazine? Bien sûr, c'est un combustible qu'on utilise, qui a des propriétés très particulières et intéressantes pour certaines phases de propulsion. Tout est quasiment impeccable. Et ça, c'est la réflexion liée à ce film Seul sur Mars, mais il y en a bien d'autres et on les évoque avec vous cet après-midi dans La Tête au Carré, Roland Lehoucq. Thank you. Musique, c'était France Gall. La tête au carré sur France Inter. La science fait son cinéma avec Roland Lehoux qui publie cet ouvrage aux éditions Le Bélial avec votre confrère paléontologue Jean-Sébastien Seyer. Comment vous êtes répartis les tâches d'ailleurs? La biologie pour Jean-Sébastien Seyer. Oui, c'est assez facile. La bonne grosse Yalta, physique pour vous. Les Yalta des sciences, c'était facile à faire. En gros, moi je prends la physique et Jean-Sébastien, qui est bien plus savant que moi en biologie, prend toute la biologie, la description. Il utilise ses compétences de biologiste et surtout de paléontologue pour faire cette analyse. Parce que là, encore une fois, en paléontologie, pour faire un peu caricatural, on trouve des bouts d'os dans le tol et puis il faut essayer de reconstituer l'être dont on vient de retrouver les restes fossilisés. Et donc il y a cet exercice, comme en astrophysique finalement, de reconstitution d'un passé disparu, les étoiles lointaines, les galaxies lointaines, l'histoire de l'univers, à partir des éléments qu'on le reçoit maintenant. Et donc finalement, c'est un peu un hasard qui nous a fait nous rencontrer, mais c'est pas tellement un hasard que ça soit un astrophysicien parmi les physiciens, un paléontologue parmi les sciences naturelles qui agissent sur cette rétrodiction de ces œuvres de science-fiction. Et donc tous les deux, vous regardez les films dans les moindres détails. C'est-à-dire que c'est vraiment une obsession quasiment. Une obsession, n'exagérons rien. Mais c'est vrai que quand on s'est fait plusieurs fois des séances de pour regarder des films ensemble, c'est vrai que le film quand il dure 2 heures, nous on prend plutôt 5 ou 6 heures pour le voir. Et vous voyez pas les mêmes choses, j'imagine. On voit pas les mêmes choses, bien sûr, parce qu'on a une grille d'analyse qui est différente. On a un œil évidemment différent, on peut être sensible à des détails qui sont différents, et puis évidemment par notre culture scientifique on n'est pas sensible aux mêmes choses, donc dès qu'il y a du vivant, des extraterrestres, des Godzilla, des ce que vous voulez, alors Jean-Sébastien il s'éclate, et puis moi dès qu'il y a de la techno, des machins qui font bzzz et des trucs qui brûlent, je regarde ce qui se passe. Alors les créatures et les extraterrestres, évidemment ils sont présents dans cet ouvrage, un des monstres les plus effrayants de la science-fiction et sans contexte, Alien. Ça c'est l'avis de Jean-Sébastien Seyer, c'est le vôtre aussi? Oui, il faut reconnaître qu'il fait assez peur, Alien. Alien, il fait assez peur, bien sûr. Bon, évidemment, il a d'abord, on peut l'analyser, alors ça, d'autres l'ont fait bien mieux que nous, mais sur les caractères qui font qu'il fait peur. D'abord, il a l'air assez agressif, ce qui est déjà une chose, mais même quand on le voit de loin, on n'a pas envie de tellement discuter avec lui. Il est tout noir, il a des griffes, il bave, il a des dents, enfin, il n'a pas l'air sympathique. Et puis, vous remarquerez, il y a un détail quand même, il n'a pas d'yeux. Ça, c'est inquiétant, parce que quand vous avez des yeux, vous savez où regarder, vous savez ce qui vous regarde et vous savez où regarder. Et si vous voulez vous défendre contre un alien, les yeux, en tout cas chez les humains et chez beaucoup d'êtres qui ont des yeux, sont des parties sensibles extrêmement utiles, un sens qui, s'il est perdu, donc si vous crevez les yeux de votre adversaire, vous l'embêtez beaucoup. Alien, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, il est très fort, mais même où taper pour lui faire le plus mal possible? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Bon, quand vous avez Alien qui vous tombe dessus, de toute façon, vous êtes foutu. Donc la question, en général, est réglée. Mais voilà, donc, cette analyse d'un être qu'on ne connaît pas à partir des êtres qu'on connaît, c'est tout ce qu'on a sous la main, elle est intéressante pour mieux connaître ces êtres incroyables qui sont sur Terre, et en même temps montrer ce que pourrait être une première analyse quand un biologiste, un paléontologue, un spécialiste de sciences naturelles croise un éventuel être extraterrestre. Comme par exemple les heptapodes dans Premier Contact, ce film de Denis Villeneuve en 2016. Voici quelques-unes des choses que nous ne savons pas à propos des heptapodes. Du grec hepta, 7, et pod, pied. 7 pieds, heptapodes. La composition chimique de leur vaisseau est inconnue. La coque n'émet aucun gaz, aucune radiation, ne produit aucun déchet. En supposant que les vaisseaux communiquent entre eux, leurs échanges sont indétectables. Aucune émission sonique ni aucune onde lumineuse n'altère l'air séparant les vaisseaux. Comment communiquent-ils? La première percée a été de découvrir qu'il n'y a aucune corrélation entre les sons qu'émettent les heptapodes et ceux qui crivent les heptapodes. Contrairement à toutes les langues humaines écrites, leur écriture est sémasiographique. Elle ne s'appuie pas sur une représentation de la parole, mais sur un système de symboles porteurs de sens. Comme leur vaisseau ou leur corps, leur langage écrit ne se déploie pas dans une direction ou dans l'autre. Imaginez que vous vouliez écrire une phrase en vous servant de vos deux mains, écrivant chacune de leur côté. Vous devriez en connaître chaque mot à l'avance et pouvoir déterminer dès le départ l'espace nécessaire à l'écriture de ces mots. Un heptapode peut écrire une phrase complexe en 2 secondes, sans effort. Il nous a fallu 1 mois pour formuler une réponse toute simple. Maintenant, nous souhaitons étendre notre vocabulaire. Louise croit qu'il faudra au moins un autre mois pour leur poser la fameuse question. Qu'êtes-vous venu faire sur Terre ? Alors, premier contact, peut-être que nos auditeurs ont vu ce film hein, il y a 2 ans sur les écrans, d'abord avec ce vaisseau qui a une forme très particulière. Alors, hein. Le vaisseau qui a une forme, c'est très beau, c'est un très beau vaisseau, oui. Il est un peu effectivement tout très en différent longueur, des vaisseaux hein. à Star Wars ou à c'est Star ça. Trek, évidemment. Alors, et c'est un vaisseau aussi qui a une façon de se poser, si je veux dire, sur de Terre, rester. En ne se posant pas, justement, oui. En étant en lévitation au-dessus du sol. Alors, on le voit aussi quand les humains rentrent dans le vaisseau, la gravité change de direction. Les heptapodes maîtrisent la gravité. Alors, une recommandation de physicien, si vous croisez des extraterrestres qui maîtrisent la gravité, ne faites rien qui puisse sur la profil bas et surtout assurez-vous qu'ils comprennent bien vos intentions et qu'en aucun cas vous passez pour belliqueux parce qu'ils ont des moyens qui dépassent mais très largement les vôtres. Ouais, alors c'est toute la question du langage aussi qui est au cœur de l'extrait qu'on vient d'entendre, qui est très intéressante et qui est une question d'ailleurs qui intéresse aussi les scientifiques aujourd'hui, c'est quel message on envoie d'abord quand on a envie d'envoyer des messages dans l'espace interstellaire et quelle langue on pourrait parler avec les E.T. Bien sûr. Donc ça pose des questions de linguistique. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et pas que de linguistique. Alors, dans la même collection Parallax, Frédéric Landragin a commis un livre qui s'appelle « Comment parler à un alien ?» et où il fait une analyse très complète linguistique de premier contact. Alors, je m'y risquerai pas qui ne suis pas linguiste, mais ce qui est intéressant, ce qui a intéressé Steyer, par exemple, c'est d'abord les heptapodes. Heptapodes, ils ont 7 membres. Alors, c'est des êtres très différents. Ce sont des êtres intelligents, manifestement, et qui ont des capacités techniques incroyables et qui ont une forme tout à fait différente des êtres humains. L'extraterrestre de science-fiction intelligent standard... Il est humanoïde. Peu, alors, on lui met un gros cerveau, on lui met, bon, des détails, mais... Essentiellement, il est humanoïde. Là, c'est des êtres qui sont totalement différents des humains. Alors, un Steyer qui voit ça, ça l'excite beaucoup. Il essaie de comprendre, de le comparer à ce que l'on sait. Ces êtres, ils ont à la fois l'impression d'avoir... On a l'impression, quand on les regarde dans le film, qu'ils ont un squelette interne et pas du tout un squelette externe, comme peuvent avoir les arthropodes, par exemple. Ils ont un squelette interne, un peu comme nous. Et en même temps, ils ont une symétrie radiale qui fait référence à d'autres êtres, comme les méduses, par exemple. Ouais, on parlait des yeux. Ont des yeux. Alors, eux, ils ont des yeux. Dans le film, on les voit pas bien. Ils sont dans le brouillard, de toute façon. Mais le film est tiré d'une nouvelle d'un auteur de science-fiction américain qui s'appelle Ted Chiang, C-H-I-A-N-G. Et cette nouvelle s'appelle L'histoire de ta vie. Elle a été publiée dans un recueil qui s'intitule La Tour de Babylone, Et donc, Ted Chiang dit explicitement que les heptapodes ont 7 membres, heptapodes, 7 yeux, et qui font le tour de leur sommet de quelque chose qui pourrait ressembler à notre tête, avec probablement le cerveau à l'intérieur, enfin faute d'expérience ou de constatation, on peut pas le dire vraiment. Et donc, sont des êtres où vraiment, ils utilisent le nombre 7, qui n'est absolument pas présent dans les êtres terrestres, c'est plutôt 6 ou 4 ou 2. Et puis, ensuite, ils ont une symétrie radiale, c'est-à-dire un axe de symétrie, et ça, on trouve sur Terre, mais pas chez nous, pas chez les êtres intelligents. Et ils ont un endosquelette. Donc, ces comparaisons-là sont intéressantes. Et la linguiste, Louise Banks, dès le début, quand on lui fait entendre un son, la voix, on lui dit « Vous pouvez nous traduire ça ?» Elle dit « Non, je ne peux pas traduire ça. D'abord, avec le son, je comprends qu'ils ont l'air d'avoir un instrument phonatoire tout à fait différent des humains, premièrement, ou des êtres terrestres. Deuxièmement, pour les comprendre, il faudrait que je les voie. » Et donc, il y a tout à fait cette relation-là. On ne peut parler d'un être sans le voir, sans donc interagir avec eux. Elle va aller dans le vaisseau, évidemment. Et elle va aller dans le vaisseau, interagir avec eux, confronter avec eux et faire toute une procédure. Pour étudier scientifiquement, finalement, comment ce langage est émis, et comment on peut communiquer avec eux. Et réaliser que ce n'est pas le langage parlé, le son qui est important, mais c'est ce langage écrit qui est émis. Alors, dans le film, c'est représenté de très jolie façon, un nuage d'encre, comme un peu les poulpes et les sèches, mais ce nuage d'encre qui prend forme et puis qui disparaît, qui prend forme, qui est la phrase. Et alors, évidemment, si dans le film on ne comprend pas bien pourquoi l'autre scientifique qui aide, Louise Blanks, la linguiste, est un physicien, on ne sait pas pourquoi il fait de la physique, il fait des opérations mathématiques, mais ça pourrait être un mathématicien ou simplement quelqu'un d'intelligent. C'est important que ce soit un garçon parce qu'à la fin, ils vont faire un enfant. Bon, mais dans la nouvelle de Ted Chiang, c'est très important que ce soit un physicien parce que c'est lui qui involontairement donne la clé de décryptage et de compréhension de cette écriture subtile et circulaire à partir d'un principe de physique qu'il expose. Il montre, ils font comme dans le film, dans le livre ou dans la nouvelle, ils montrent des choses aux heptapodes et ils voient ce qui se passe. Et alors le physicien dit à Louise Banks, on leur a montré plein de trucs, ils s'en foutent, sauf sauf le principe de Fermat. Je vous laisse découvrir la nouvelle pour voir. Et c'est pourquoi. Une façon de valoriser la transdisciplinarité des sciences exactement, aussi, mine de rien. Et c'est ça, et c'est et ça, c'est très intéressant. Et ce film-là, de ce point de vue-là, est très intéressant pour plein de raisons, en valorisant la linguistique, mais aussi cette complémentarité des sciences. C'est pas comme s'il y avait des champs disciplinaires juxtaposés. La science est une et indivisible. Et c'est intéressant sur une question aussi cruciale que le langage, précisément. Roland Lehoucq, notre invité cet après-midi pour ce livre « La science fait son cinéma ». Delgray avec Maud Jody. La tête au carré. Bon, on a reçu les communications perdues. Donc on a des années de données de base et aucune vraie surprise, hélas. Le site de Miller envoie toujours des pings rassurants, celui de Mann aussi. Celui d'Edmunds est muet depuis 3 ans. Le site de Miller reste encourageant, non? On sera bientôt dessus. Mais il y a une petite complication. Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait. Gargantua? Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui. Celle de Miller est sur son horizon? Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir. Je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer. Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale. Annoncez la couleur. Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... cette année sur notre vieille Terre. Non, non, j'ai... Bah quoi, les amis, c'est la relativité ? Christopher Nolan, Interstellar 2014, Roland Lehoucq avec nous pour parler de la science fait son cinéma, cet ouvrage qui sort aux éditions Le Bélial. Alors là, il y a plein de sciences, hein, justement, pour l'astrophysicien, il y a de quoi faire, hein, évidemment. Interstellar, oui, c'est blindé de sciences, des trous noirs, blindé de physique, évidemment, avec le trou noir, enfin l'objet... Le comment l'appelle-t-il d'ailleurs? Gargantua. Voilà. C'est presque le personnage principal, évidemment, parce que c'est de lui dont dépend toute le ressort narratif de l'histoire, puisque effectivement, se passer à son voisinage et sur la planète Miller qui orbite autour de ce trou noir, passer une heure à sa surface équivaut à une durée de 7 ans sur Terre, et ça renverse cette perspective où le père devient plus jeune que sa fille. Donc voilà, c'est que ça, c'est un ressort narratif évidemment très fort. Expérience de philosophie là aussi, pour le coup. Oui, alors, et qui en même temps, c'est la relativité, comme on dit. Oui, c'est la relativité, c'est-à-dire l'idée que une horloge au sol retarde par rapport à une horloge en altitude, ou plus exactement dit autrement, deux horloges strictement identiques, exactement synchronisées, des horloges d'une grande précision, dont qui sont au sol, et si on en monte une en orbite, ou on la monte en altitude, elles vont... se décaler, celle au sol va retarder par rapport au centre d'altitude. C'est quoi, c'est le cœur du film finalement, c'est la perception de l'espace-temps interstellar. Hein. Exactement, c'est-à-dire que la bonne théorie pour décrire l'environnement d'un trou noir, c'est la relativité générale d'Einstein, une théorie de la gravitation qui a fait suite en 1915 à sa théorie de la relativité restreinte, qui était une théorie simplement de l'espace-temps, de l'espace et du temps qui sont devenus espace-temps. Et en y mettant la gravité, en essayant de décrire la gravité, ou plutôt il a décrit la gravité comme une déformation, une courbure de l'espace-temps imposée par la matière et l'énergie qui se déplace et qui est contenue dans ce cadre. Ouais. Et donc, le coût des horloges qui retardent l'une par rapport à l'autre, 1 heure, 7 ans, bah, c'est un retard assez considérable. Alors, on est obligé d'en tenir compte dans le réseau GPS, dans les réseaux généralement de géolocalisation par satellite, Galiléo, GPS, etc., on est obligé d'en tenir compte, puisqu'il faut réaliser que ce décalage, il est de l'ordre d'une quarantaine de millionièmes de secondes par jour. On peut se dire, 40 millionièmes, c'est rien du tout. Oui, mais en 40 millionièmes de secondes, la lumière, qui est les ondes radio qui sont échangées entre les satellites et les bornes au sol, c'est des ondes radio, c'est de la lumière, en 40 millionièmes de secondes, parcourt 12 kilomètres. Ce qui veut dire que chaque jour, votre position dérive de 12 kilomètres si vous ne corrigez pas de cet effet. Inutile de vous dire qu'on ne fait pas un GPS avec ça. Ouais. Christopher Nolan, justement, il a eu les conseils d'un scientifique, d'un physicien pour ce film. Est-ce que là, il est très près justement de la réalité ou il a pris beaucoup de liberté aussi? Alors, par rapport à d'autres films? Il a eu effectivement les conseils d'un physicien américain, un spécialiste de relativité générale, qui s'appelle Kip Thorne, et qui a eu le prix Nobel, un des trois récipiendaires du prix Nobel de physique pour les détections des ondes gravitationnelles. Donc il n'a pas un guignol, si j'ose dire, il a quelqu'un de très compétent sur la partie relativité générale. Alors ensuite, Kip Thorne a donné toutes les billes, si je veux dire, toutes les informations pour que ça soit parfait du point de vue des sciences, en tout cas au point de la représentation du trou noir. Ouais. Mais ensuite, Nolan a fait des choix esthétiques dont il s'est expliqué. C'est-à-dire, il a dit, bien sûr, le trou noir n'est pas comme Kip Thorne m'a dit qu'il devrait être. Je n'ai gardé que les éléments qui me paraissaient les plus spectaculaires, les plus esthétiques, et j'ai ôté les éléments qui, à mon sens, brouillaient l'ambiance que j'avais envie de donner à l'évolution des personnages autour du trou noir. Et donc, du coup, on se retrouve avec un trou noir qui est très bien simulé, plausiblement simulé dans le film. Les images ont été des images calculées, bien sûr, et pas des images de photographiées, mais des images calculées. Et tous les effets de déformation lumineuse, de déviation des rayons lumineux au voisinage du trou noir Gargantua sont parfaitement représentés dans le film. Mais il y a d'autres effets qui n'ont pas été représentés, qui auraient dû être aussi présents, qui n'ont pas été représentés. Et vraiment, Nolan a dit non, mais moi, esthétiquement, ça ne m'intéressait pas. Et est-ce que vous, en tant que physicien, astrophysicien, quand vous voyez justement les libertés prises par les réalisateurs, il y a un moment où ça peut vous gêner ou jamais, finalement, parce que vous aimez ça aussi en tant que spectateur de science-fiction? Oui, ça ne me gêne pas. À aucun moment, il y a des choses qui vous ont gêné? Il y a des choses qui me gênent. Alors, ce qui me gêne le plus, et sans que ce soit forcément dramatique, c'est les éléments de science maltraités et qui sont maltraités, disons, sans raison. Gratuitement. Gratuitement, entre guillemets. Enfin, il y a peut-être une raison derrière, mais une raison que j'ignore. Par exemple, si on prend un film comme Gravity, qui n'est pas de la science-fiction, mais il y a un film où le héros se lâche d'une sangle et puis il se suicide. Il se lâche pour se suicider. On va écouter l'extrait. Et pour donner la possibilité à sa compagne d'être sauvée. cette scène-là, il lâche la sangle, il aurait dû rester où il était et pas s'éloigner du tout. Bon, je peux comprendre que narrativement, on veut un suicide glorieux du mâle blanc de l'histoire. Très bien, on viole les lois de la physique. Mais il y a des situations où, au contraire, on aurait envie que les lois de la physique soient respectées. Elles pourraient être respectées sans modifier, sans imposer la narration. Et donc, c'est dans ces situations-là où je trouve ça, disons, un peu plus gênant. Mais bon, en même temps, on va écouter cet extrait, justement. C'est Georges Clooney qui paye de sa vie pour sauver Sandra Bullock, justement, et qu'elle puisse retourner dans l'ISS. Et donc, cet extrait de Gravity. On devrait pas tourner ? On dévie, là ? Pas encore. Je rigolais pas pour la pâte sèche. Je n'ai plus qu'une ou deux poussées en réserve. Si on a de la chance. Attention. Tu t'accroches. Et moi, je vais te ramener. Attends, une seconde. Attends, accroche-toi. Je te ramène vers moi. Ryan, je te ramène. Il faut que tu me lâches. Non. Les cordes sont distendues. Je t'entraîne avec moi. Il faut que tu me lâches tout de suite. Ou on meurt tous les deux. Je te lâche pas. On est bon, là. Non. Arrive à t'en sortir, Ryan. Mon alerte au CO2 s'est déclenchée. Il faut que tu montes à bord de la station. Tu vois le sas ? Hé, Ryan. Cherche le sas. Au-dessus de ta tête, près du module Zarya. Tu le vois ? Oui. Oui, je le vois, oui. Je le vois. Bien, très bien. Alors évidemment, ça a été très résumé par notre réalisatrice Fanny Boyon pour évidemment les besoins de l'émission, parce que la séquence dure beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est les lois de la physique sont violées, mais il y a une raison narrative forte. Si on viole pas les lois de la physique, on fait pas la scène, on fait pas le film. Puis il y a des situations où on pourrait imaginer des choses tout à fait plausibles et sans tuer la narration. Alors dans Gravity, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aucune scène où les lois de la physique sont violées sans raison. Une seule toute petite scène à la fin, en fait. Et l'essentiel est parfaitement fait. Ouais. Il y a d'autres films où, là, du coup, c'est plus, on va dire, créatif, au point où, du coup, la science est très déformée. Bon, c'est pas grave, encore à la limite, si le scénario tient la route, si on a plaisir à regarder le film, si le film est cohérent, s'il y a une cohérence interne et un plaisir à le regarder, ça suffit pour avoir un bon film. En tout cas, la grande qualité de Gravity, c'est de nous mettre aussi, nous, en tant que spectateurs, dans un état physique qui pourrait être celui qu'on ressent dans la station spatiale internationale, là, ou en impesanteur. Essayer de se mettre à la place, alors, d'astronautes qui sont en perdition, ou qui sont en orbite autour de la Terre avec les sensations, la vision qu'on a. Ouais. Alors, c'est sûr que, la succession d'efforts que fait l'héroïne pour se sortir de ce mauvais pas, évidemment, est tout à fait improbable. Ouais. Elle aurait dû, malheureusement, je le crains, pour elle, mourir bien des fois. Mais si on oublie, encore une fois, cette chose-là est rendue nécessaire par la narration. On veut que c'est un film catastrophe, mais qui se finit bien, en tout cas pour l'héroïne. Mais voilà, les éléments, par exemple l'incendie, qui est représenté à un moment donné, les flammes sont très bien représentées. Ce sont des flammes tout à fait plausibles pour des flammes en impesanteur, sans la gravité qui règne à la surface de la Terre. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant, c'est un petit détail. Il y a comme ça plein de petits détails qui sont bien faits du point de vue des sciences et qui sont là comme éléments de décor. On aurait pu passer dessus, finalement, et ne pas faire l'effort de bien les représenter. Ouais. Est-ce que la science-fiction, le cinéma de science-fiction aujourd'hui, Roland Le Houx, c'est se réinventer en permanence en proposant vraiment des choses nouvelles, ou est-ce que parfois vous avez quand même le sentiment de voir un peu toujours les mêmes trucs? Alors, la réinvention dans le cinéma de science-fiction n'est pas toujours facile, parce qu'il s'inspire toujours de quelque chose qui est finalement notre monde réel, et puis de choses qui ont été faites souvent en amont. Et donc, on voit beaucoup d'images ou de choses dans les films de science-fiction qui sont en fait déjà produites par les artistes de science-fiction, de space art, ou par les auteurs de science-fiction. Donc en fait, quand on regarde le cinéma de science-fiction, on retrouve beaucoup d'images déjà présentes pour ceux qui sont un peu plus aguerris, si j'ose dire, en science-fiction, qui ont une meilleure culture sur la visuelle de la science-fiction. Ça se nourrit beaucoup des peurs de la société aussi. Donc en cela, on peut aussi très bien repérer temporellement... La science-fiction littéraire, pour ça, sans aucun problème, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante que la science-fiction cinématographique. Mais dans le cinéma, disons que voilà, c'est pas ce support-là qui me plaît le plus quand je m'intéresse à la science-fiction, mais c'est ce support-là qui est le plus intéressant de support de science-fiction cinématographique pour parler de science comme prétexte pour parler de science et pratiquer les sciences, parce que c'est le plus connu. C'est le aussi visuellement très fort. Il y a des images qui sont produites au sens direct du terme et pas du texte qu'il faut lire et décomposer et comprendre. Et sont une réflexion pour parler de science, le cinéma, justement, avec cet ouvrage qui paraît aux éditions Le Bélial, La science fait son cinéma. Ouvrage que vous signez avec Jean-Sébastien Steyer. Merci Roland Loup d'être venu. Merci à vous. Au micro de La Tête au Carré. C'est terminé pour l'émission. Dans un instant, vous retrouverez Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel. Et demain, dans La Tête au Carré, nous parlerons de la conquête des territoires à la préhistoire. Bon après-midi, à demain.